publiquement depuis toujours. À tort et à travers, ici les horizons sont courts, plaque mûrie pas quatre tours. Et de frontières, encore on a joué ce tour, je suis à nouveau de retour. Là où j'étais naguère, tandis que se lève le jour, j'entends les rumeurs alentour d'une autre guerre. L'amour, mais parmi cette forêt d'armure, c'est un travers. J'attends mon temps, une ouverture pour aller au-delà des murs, des meurtrières, pour pouvoir tenter l'aventure, conquérir l'arène aux postures. Ces cavalières, seulement les deux dieux aux doigts courts qui se jouent de moi restent sourds à mes prières. La dame du bel me rend, je prends pour elle la tangente, glisse sur la mauvaise bande, marche sur une mort lente, kamikaze, casse-cou, je tente le tout pour le coup, je suis la diagonale du fou, je suis la diagonale du fou, la diagonale du fou, je tente le tout pour le coup, je suis la diagonale du fou, et tout le reste je m'en fous. Seul secours dans cet enfer, je sais qu'à ma perte je cours. Quand mon roi dit que cet amour n'est qu'un rire pervers, qu'un appétit contre nature, qu'une pomme de discorde mûre.